promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, bienvenue. Oui, nouvelle semaine qu'on démarre ensemble sur Énergie. Je m'appelle Cédric, on va écouter Imagine Dragons, Big Flo et Oli. Il y aura aussi LSD, DJ Snake, Marshmello. Ouais, des stars qui étaient notamment avec nous samedi soir à Energy Music Awards, voilà. Il y a le replay à Mathéo, hein, d'ailleurs, sur Energy.fr. Imagine Dragons, dans moins de 3 minutes, et le meilleur de Mickaël, avant de le retrouver à 23h ce soir sur Énergie, là c'est le best-of. Florian est avec nous, salut Flo. Salut, salut. Ça va bien? Salut. Super, hein. Bon, bah tant mieux, Florian. On va jouer au jeu du 2 secondes, je te reprends. Jeu du 2 secondes, je te reprends avec bah, toi, Flo. Tu vas devoir choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Tu veux jouer contre qui? Je vais prendre Amina. Tu vas prendre Amina? Très bien. Excellent choix. Allez, hop là, c'est reparti pour la lose. Pour Amina, du moins. Super. Florian, tu commences ou Amina démarre? Bon, on va essayer. Honneur aux dames. Hein. Honneur aux dames. Allez hop, c'est parti, on y va. Bonne chance, Flo, ne bouge pas. C'est Amina qui démarre, à qui je souhaite évidemment le mauvaise chance. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. One, two, three, viva la victoire. Oui, oui, viva que dalle. Ouais. Allô? Allô, oui, bah, je te rappelais comme tu m'avais demandé du coup. Je pense que vous avez un mauvais numéro. Je pense que vous avez mauvais numéro. Excusez-moi, mais... Deux secondes, je te reprends. Attends, deux secondes, je te reprends. Voilà, voilà. À qui voulez-vous parler? C'est à toi que je voulais parler, hein. Voilà, attends, deux secondes, je te reprends. Attends, j'arrive, hein. Deux secondes, tac, tac. Oui, bah, on devait se rappeler, figure-toi. Attends, deux secondes, hein, je te reprends. Voilà, oui. J'ai un peu occupé, je pensais à autre chose. Oui, donc je te disais, on devait s'appeler. Attends, attends, deux secondes, hein. Deux secondes, je te reprends, j'arrive. Ah voilà, voilà, je suis de retour. Donc, ça va bien? Je vais très bien. Hugo. Ah, attends, deux secondes, je te reprends. Attends, tu m'auras à me compter tout ça après. La manette, là, ça suffit. Et voilà. Putain, hey. Eh bien, zéro seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, hey, je suis désolée. Voilà. Je crois qu'on l'a perdu. Ah ouais, et là, tu bon, nous as bah. Fait un mix, là? Florian? Ouais, attends. Non, mais Florian, j'ai dû mettre le je t'emmerde en même temps. J'ai fait de la merde, laisse tomber. Ah tu sais que, en plus, avant de démarrer le jeu, je sais pas pourquoi je me suis dit, Amina, fais pas de la merde. Voilà. N'oublie pas, c'est le 2 secondes, je te reprends. Et là, 30 secondes après. Perroquet. Perroquet, normal. Voilà. Florian, victoire. Qu'est-ce que je suis belle. Et voilà, sans jouer, Florian. C'est une première, hein, ça n'est jamais arrivé. One, two, three, viva la victoire. Ah, je m'en vais immédiatement mettre cette troisième défaite d'affilée. Et oh là là, hop là, là. c'est vraiment la défaite de la loose. Ah, ben là... Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais quoi, la prochaine fois, dis ok, je joue pas, boum. Tu vois, on perd pas de temps, on passe à autre chose, ça y est, l'auditeur a gagné, on est content quoi. Bon, ben voilà, bravo Florian. Amina voulait vraiment te faire gagner, elle savait pas voilà. Comment, et voilà. J'aime les gens, moi. En tout cas, tu parles. En tout cas, tu étais très bon, bravo à toi, Florian. T'es le meilleur. Merci, ça fait plaisir. Ben voilà, écoute, j'espère que ça fait plaisir. J'espère. Bon, et ben écoute, reste au standard, on prend tes coordonnées, et puis à bientôt, Florian. Bah, super sympa, merci, ouais, à bientôt. Et avec plaisir. Salut Flo. Ah, bah, je pense qu'on va pouvoir regarder cet extrait pour un best-of. Ah oui, bah là, c'était le meilleur jeu de l'année. Là, hein. Je pense que nous avons été au taquet. Non, mais la bêtise de la meuf, c'est un truc ouf. Y a énormément de radios là qui sont en train de nous appeler pour essayer de récupérer ce jeu. Ah oui. Je me doute, ouais. Et surtout, c'est ce qui fait le jeu. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, found the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace, facing a bit of the truth. Sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que ça va bien ce matin, une belle journée, on est lundi, j'espère que le week-end a été cool, vous avez passé de bons Energy Music Awards aussi, ouais. Big Flo et Oli dans la playlist Énergie, ça arrive, LSD juste derrière, et puis le meilleur du Rico Show. 20h, 23h ce soir en direct pour vous sur Énergie, et là c'est le best-of. Le podcast du Rico Show, 20h, 23h. Sur Énergie. Les news sont là, et on doit parler aux filles et aux garçons de news coquines mais correctes. Alors, Morgane a fait le 0870 42 48, elle est là. Morgane, je commence par les filles ou les garçons? Allez, les filles, les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Très bien, mais c'est toi, tu sais, l'homme propose, la femme dispose. Oh, là, t'es connerie. Non, mais c'est quoi mes conneries? Ouais, l'homme propose, la femme dispose. Oui. Donc tu proposes un truc, on doit disposer, quoi.

Tu t'es pris un vent. Ah, le vent. Le tu vent, t'es pris le un vent par VG Dream et tu l'as laissé passer inaperçu. Il y a la vidéo ou pas? Est-ce qu'on peut. Ouais, il y a la vidéo, mais il n'en a pas parlé en fait. Les gars, j'ai mis. Si vous n'avez pas vu, vous verrez l'image. Ouais, j'ai mis ma main pour faire un check à VG Dream qui est parti, mais limite, il était déjà dans sa voiture. Et moi, j'étais toujours en position. Mais sans déconner, c'est le plus long vent que j'ai jamais vu. Le bras en l'air comme mais ça. Oui, mais ça, c'est le problème des lunettes de soleil. Et ça fait gars, bien, mais tu vois rien. Quand il y a de la pluie et du vent, on met un. Un poncho, voilà, quel rapport? Il faut suivre. Les gars, il y a des ponchos. Je le mettrai, il n'y a aucun rapport avec le vent. Il y a des ponchos dédicacés. Dans un instant, il y aura Yana Kamoura que je vais rejoindre sur scène pour le live. Mais d'abord, les gars, attention, dans la réponse, il y a Flo ou Oli. Concentration, vous êtes prêts? Oui, oui, oula, c'est un ancien footballeur qui fait Danse avec les stars. Basile Boli. Bim, on l'a dans les intestins. Du caca. Non. La flore intestinale. Bien joué, il joue au foot sur un terrain de 2 km. Dessin animé. Olive et Tom. Olive et Tom, très bien. Il tombe en hiver. Le flocon. Oh là là, les gars, vous êtes partis. C'est une marque de chewing gum. Hollywood chewing gum. Ouais, bien, on y est. Des pâtes déshydratées qui se réchauffent en quelques secondes, c'est pas très bon. Les nouilles. Nouilles. Où est-ce qu'il y a Bolognaise? Les bolognaises. Bolino, bien joué. Bolino, je connais pas. J'ai pas la référence. On est trop jeune. La peine de mort est. Aboli. Et ça se vend toujours, les bolognaises. Ça n'arrive jamais avec Chronopost. Un colis. Ah, c'est dur en vrai. Attention, si je vous mets. Je n'ai même pas le chanteur. Non, bah, c'est quoi là? Whistle, comment il chante le mec? Whistle là. Florida, c'est. Bah, tu l'as dit. Bah, vous l'avez dit. Big Flo et Oli étaient avec nous, les amis. Je vous demande de les applaudir là. Merci Flo. Tu m'as mis la pression. On va avoir des surprises avec Big Flo et Oli parce que la cérémonie c'est bien, mais il va falloir se détendre un peu. Ouais, est-ce que je peux dire qu'on va détendre? On va faire des petits jeux nous ce week-end, oui. Je peux dire que notre album sur le 23 novembre qui s'appelle La Vie de Rêve. Mon ami, tu vas le dire et je le répète, le 23 novembre et ça s'applaudit, La Vie de Rêve, nouvel album de Big Flo et Oli. Merci. Bravo, à tous. Les gars, merci. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. You need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Sale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. I feel the high flows. Taqui, taqui.

Mais moi, je suis désolé, un vrai DJ de l'école de DJ Babas te dira, il manque, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Ou est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ah, tu sais, Ce soir. Il faut des trucs. Il manque ça. Ah, moi, j'ai un copain. Que tu connais d'ailleurs, Joachim Garraud, qui avait fait une tournée de tous les clubs et qui avait enregistré tous les mecs. Il avait fait une compilation des meilleurs. Et il y avait un mec qui faisait un concours, un DJ qui faisait un concours et qui proposait de ramener un siège de voiture. Et les mecs, ils sortent tous sur le parking et ils démontent les voitures. Non, mais vraiment, c'était incroyable. C'était incroyable. Bien, mais il y a des DJs. Dans le premier qui me ramène un siège de voiture ce soir, il gagne un énorme cadeau, ça me fait plaisir. Est-ce que vous êtes chaud, David? Il me manque le est-ce que vous êtes chaud ce soir? Tu ne partiras pas tant que je n'ai pas est-ce que vous êtes chaud ce soir. Non, tu ne l'as pas fait nickel. Ah, il était pas mal. Essaye avec toi. Vas-y, on fait-le. Ok, vas-y. Faut que je le refasse, pourquoi? Ouais, parce qu'il était pas assez bien. Vas-y. Alors, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Et voilà. Allez, ambiance. Et ouais, c'est ça. Ça y est, on est chaud. Salut, c'est DJ Babas avec David Guetta ce soir. J'espère que vous êtes bien à la maison. C'est mon assistant ce soir, c'est David Guetta, David est jeune. Salut David. Salut David. Non, mais il fallait un peu de délai sur la voix. Bon, on peut mettre du délai, d'écho, les gars. Un peu d'écho sur la voix. Et okay. Ah, ok, c'est ça que tu veux. Faut mettre des petits coups de fader aussi. Eh ben, on va te le mettre, si c'est que ça pour te faire plaisir. Mets-moi tous les sons en fond, voici David Guetta qui est avec toi avec DJ Babas. Est-ce que tu es chaud, David? Ah voilà, t'es bon, hein. T'es chaud ce soir? Bouillant, enlève-les-moi, put your hands. David Guetta est dans la place. DJ Babas, j'anime tout, j'anime les mariages, j'anime les enterrements. J'anime les enterrements, écoute, j'anime également les baptêmes. Jésus, j'anime les bar mitzvahs. Et dans la place, bisous à David Guetta qui est avec nous. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la gana. Si tú estás bien, habla portugués conmigo, mujer, y si no, pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balqué. De noche me flauco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacitas. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente me echa, Bogotá para rumbear y Boca para danzar. Hemos llegado todos a Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente me echa, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. Papi, Pipura, vamos a romper. Venezuela que lo muevan. Que lo que. Just let's go. Que lo que.

Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, on est lundi. Énergie, météo. Avec une bande pluvieuse qui coupe la France en deux, de la Nouvelle-Aquitaine à la Belgique. Les températures entre 10 et 17 degrés ce matin, cet après-midi toute la moitié nord sous les nuages, parfois sous les averses aussi. Ça va ensemble, c'est vrai. Les températures 12 à Lille, Caen, Nantes et Brest, 16 à Paris, La Rochelle et Bordeaux. Il y aura 19 à Strasbourg, Metz, Dijon, Lyon, Marseille, Grenoble et Nice. 22 degrés à Bastia. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Manu dans 6-9 sur Énergie en direct à 6h. Allez, c'est Bad Bunny avec Drake. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, yeah, yeah, yeah, bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar, y nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto.

I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, girls like you, guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like you, me, do what I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sur Énergie, il est 5h55. Soyez les bienvenus, nous venons de rentrer à l'instant des Énergie Music Awards. Oui, ouais, à l'instant. Non, pas à l'instant, ça va, j'exagère. Bon, on a mis du temps. Oui. Ah oui, alors Paulette, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, je remercie pas Trump parce qu'on a mis du temps. Effectivement, nous avons pris l'avion hier de Cannes, nous sommes rentrés à Paris. Et à Paris, au moment où on atterrissait à Orly, en même temps arrivait Donald Trump. Et il semble, je dis bien, il semble que Donald Trump a la Sky Priority. Parce que quand il est arrivé, bah, tout a été bloqué. On ne pouvait plus sortir de l'aéroport, on ne pouvait plus rentrer dans l'aéroport, on ne pouvait plus prendre la route qui mène à l'aéroport, on ne pouvait plus prendre la route qui nous amène de l'aéroport à chez nous. Il a tout bloqué, quoi. Moi, j'étais à deux de sortir le gilet jaune, là. Oh là, ouais. Gilet jaune et on manifeste. Bim. Mais on est là, et le plus important, c'est ça. Nous sommes là tous ensemble. Oui. On démarre l'émission dans 4 minutes, mais avant ça, comme chaque jour, c'est le club du 555. On se fait un petit plaisir. On s'écoute un titre qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Et là, ce titre-là, on n'a vraiment pas l'habitude d'écouter, puisque c'est une exclusivité. Au Energy Music Awards, on a fait une émission de 10h à plus de 13h. Hein. Ouais. Plein d'artistes sont venus et on a fait plein de sessions acoustiques. Il y a eu plein de surprises. On vous en fera réécouter pendant toute l'émission ce matin et on va démarrer par Amir avec Nico à la guitare. Ils ont fait les rues de ma peine, c'était en public. C'est une version spéciale pour les Energy Music Awards. Vous y étiez pas, et ben vous pouvez la réécouter maintenant. C'est une version spéciale NMA, d'accord? Un petit peu plus péchu que ce que vous connaissez. Il va avoir du flow. Mais je veux d'abord savoir si vous avez de la voix. Chacun parle sa propre langue. Très souvent on tend entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je me trompe. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin. Et qu'on traîne. Non, je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin. Et qu'on traîne. Et maintenant à vous, Cannes. La pente. Parfois je me plante entre l'ami et la menthe. Les démons chantent et nous démentent. Et pour te préserver, est-ce qu'il faut que je te mente? Hey. Suspendu sans arrêt au fil de nos marées, une vague à l'âme qui nous dépasse. Collé à nos égos, posé comme des Legos, je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Non, je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. À vous. On va voir ce qui se passe par là-bas. Gay, yeah, gay. Yeah. Et même comme si le vent soufflant rafale. Le temps idéal, c'est quand on se met à l'abri au palais des festivals. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Non, je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, et je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. Allez, Manu dans le 6-9, on chante. Oh, oh, oh, oh. Plus fort. Une dernière fois, Cannes, c'est à vous. C'était au Energy Music Awards, c'était pendant notre émission entre 10h et 13h. On a fait plein de sessions acoustiques et on va les écouter pendant l'émission. Trop bien.